Vas-y, parle voir là. Mais en fait, je t'entends vraiment. Ok. Vas-y, parle. Ça, c'est chelou, je te reçois plus. Vas-y, là. Ouais, c'est bon. C'est moi qui ai un problème. Alors en fait, tu m'entends là, ouais? Allô? Mais en fait, moi, je t'entends difficilement. Vas-y, reparle voir là. Reparle. Ouais, je t'entends vite fait, quoi. Je t'entends vite fait. Ouais, c'est bon, je t'entends. Tu m'entends là? Tu m'entends? Tu m'entends? Et là, tu m'entends ou pas? Ok. Bah, ton délire, comment tu le corriges? Bah, c'est bon là, c'est quoi le problème? De quoi? Enfin que, ouais, moi je t'entends pas beaucoup quoi. Je sais pas trop en fait. Ouais, voilà, là je t'entends, Bolos. Mais par contre, tu fais un écho, donc si on joue avec les autres cons, ça va casser les couilles. Ouais, moi je m'entends en fait. Avec des secondes de retard, mais j'entends ce que je suis en train de dire. Si, si, là je m'entends, mec. Non mais mec, j'ai un casque. J'ai un casque et j'entends pas le. J'ai justement mis exprès. Non mais le son dans Ninjam que je transmets, je l'ai, j'ai mis que je pouvais pas l'écouter. J'ai pas mis solo. Mais c'est, je te promets que c'est toi, gros. Mais non, parce que si je mets solo, je m'entends là. Voilà, là je m'entends tout de suite maintenant. Voilà, là j'enlève solo, je m'entends plus. Mais je te promets que c'est toi qui fais un écho parce que t'es sous haut-parleur en fait. Elles sont à 4, ouais, mais peut-être que du coup, moi là, vu que j'ai poussé la sensibilité du truc, c'est peut-être à cause de ça. Mais là je m'entends plus trop en fait, je crois. Non, là c'est bon. C'est bon là. Je m'entends plus. Non, là c'est bon, mec. Bon, tu me dis quand t'as fini de bouffer, on rejoint les autres cons. On va bougnouler un peu. Pourquoi? Moi, je vis avec une pièce de 20 centimes, c'est pas évident tous les jours. Thank you. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon gros? Bah je sais pas, un 12 bar blues tu vois. Non? Mais toi, tu peux pas brancher ton ampli parce que moi je t'entends assez mal en fait. Enfin, toi, tu dois mal m'entendre aussi du coup. Non? Ok. C'est chaud cousé. Mais moi en fait, j'entends vachement. Enfin, je t'entends pas énormément la guitare. C'est dommage. Mais on prend un truc tout simple au début, gros. On fait trois accords, on s'en bat les couilles. Mais en fait, enfin, justement, je sais pas comment devenir synchro. Faut pas jouer en même temps, mais faut qu'il y en ait un qui joue en retard. Mais je sais pas trop. Enfin, en fait, je sais pas comment trop ça marche. Je crois qu'il y a une mesure de retard. Mais je vois pas trop comment se synchroniser en fait. Vas-y, bah gros, dis le riff, toi. On prend un truc tout con. Ouais, mais faut se passer le enfin, ouais, faut se calibrer quoi. Puis c'est le début. T'aimes plus la quoi? Mais trop pas, mais on s'en bat les couilles, gros. C'est pas une question de niveau. Là, c'était juste pour jouer ensemble, faire de la merde. Enfin, faire de la musique vite fait quoi. Faire des bruits plutôt. De quoi? Bah ouais, mais mais au pire, on fait des vieux accords ouverts, on s'en bat les couilles, et ce sera pas du blues, ce sera pop, quoi. Bah après, moi, je sais pas trop comment faire de la pop, mais... Enfin, je sais pas comment faire grand-chose, en fait. Tu joues quel accord, là? Mais en fait, je suis pas du tout accordé, moi ça me casse trop les couilles. Je vais attends. J'ai tout renversé. Ouais, j'ai tout renversé, ça pète trop les couilles. Vas-y, mais on fait ça, gros, 2 secondes. Moi, je me réaccorde, histoire d'avoir un son pas trop dégueulasse. Et après, on se fait une ninja, gros. Ça va tout niquer, les ninjas. La pop tatin. Mais oui. Elle nous attend longtemps, la pute. Bon alors. Accordage. Accordage régulier, gros. Hop. C'est quoi ces guitares de merde? Vas-y, si ton daron est... Mais si ton daron il t'aurait acheté une Stratocaster US, t'aurais même pas joué, Bolos. T'aurais même pas joué. Donc on fait sol, do, d, donc c'est ré, non, mi. Mi, ouais. Ça c'est mi, ouais. Ouais, ré, ouais. Mi, c'est ça. Mais après, comment on se synchronise en fait? C'est ça le truc. Ça, c'est la grosse question. Ouais. Ouais. Bah on fait sol, do, ré. Bah attends, je vais écrire. Non, mais on s'en bat les couilles, on fait un truc à la con au début, mais on n'a jamais joué ensemble, donc c'est enfin, c'est un truc qui se travaille quoi. Non, pas tout seul, hein. Attends, alors. Ouais, donc ça. Vas-y, bah, commence alors. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Mais 2 secondes, je suis casse-couille, mais. Ouais, je me suis cuté. Non, mais j'ai du mal, mais en fait le truc c'est que notre cycle justement il fait pas 8 sections. Non? Ouais, mais bah vas-y, alors tu vas-y, alors toi tu commences, après moi je. Ouais. Ouais, j'écoute. Cut à chaque fois, mais ouais, non, mais ouais, à chaque fois j'ai l'habitude de faire. Ok, mais j'ai l'impression de pas être accordé. Mais quoi? Mais je démarre. Da, quand ça vient après 8, et bah je commence. Mais on est décalé, gros! Oui, ok, oui, ça, ouais. Oui, non, mais oui, ok. Et bah justement, je commence une fois que tu recommences, toi, le. Donc, du coup, en fait, moi, je dois commencer quand toi, tu. Enfin, on a juste une mesure de retard, donc moi, je dois commencer au premier 8. Je dois pas commencer au 16, parce que sinon, ça, c'est pareil que. Ouais, mais c'est ça en fait le principe. Mais en fait, faut comprendre le principe. Mais ils disent au début c'est bizarre, mais après ça va. Mais donc du coup, ouais, c'est ce que je dis, toi tu joues la première mesure. Donc oui, ça dure sur 16, sur deux mesures, donc 16 temps. Mais du coup, moi je commence au 8e et je rejoue ce que tu as joué 8 trucs avant. Et ça fait que chacun entend le... Non, enfin je sais pas, putain. Bon, alors tu commences. Ok, ouais, je commence. Ouais, bah, je fais comment alors? Ouais, mais j'ai du mal à sentir ça, mais j'ai jamais joué avec un métronome en fait, j'ai l'air trop. Bah ouais, c'est un peu bougnoule. Mais... Putain, ça casse les couilles. Mais moi de toute façon je jouais même pas là, je galère trop, c'est putain. Bon, ça te dit on va bougnouler sur un autre serveur là. On va foutre la merde.